Julien Collard, les grands enfants. Salut. Bonjour. Content d'être avec vous, nouveau numéro des grands enfants. Avec autour de moi un grand enfant qui aurait pu avoir le premier rôle dans Toy Story puisqu'il parle avec ses figurines, Cyril Fongolfier. Salut. Une grande enfant qui fume, qui boit, qui rôde, qui pète, d'après la rumeur. Elle pourrait avoir inspiré l'ours Ted, Julie McFly. J'ai arrêté de fumer. Un grand enfant qui est notre Gepetto à nous. Nous sommes ses marionnettes. C'est notre père. Sans lui, l'émission n'est pas la même. Enfin, j'arrête les compliments. Sinon, mon nez va grandir. Henri Privat. Salut. Et enfin, une grande enfant invitée d'honneur. Depuis 2014, elle dirige la société de production 16 films. C'est ça, je dis pas de bêtises. Sève film. Sève. Hein, c'est juste, j'avais bien écrit, c'est moi qui n'ai pas... Non mais j'écris à la main, et comme en ce moment j'ai mal à la main, j'écris mal, je n'ai pas l'excuse. Il y a des gens qui croient que c'est selfie. Ça a venu l'occasion de consacrer la première partie de l'émission au film d'animation avec nous, Luce Grosjean. Bonjour. Bravo. Alors du coup, il y a eu 16 films. Ah non, pas 16, fest. C'est imprononçable. Vous pouvez pas t'appeler Pixar comme tout le monde. Alors, que veut dire ce film? Il faut vraiment que je réponde à cette question-là, tout de suite. Elle est débile, cette question? Non, elle est super bien. Envie d'avoir un nom organique qui touche tout le monde, qui parle de l'essentiel, sauf que c'est imprononçable. Oui. Sève, bah, oui. Film, ça marche pas. Tout le monde croit que... Je sais pas. Voilà. Mais on va bientôt changer de nom. Ah, Sève, c'est Sève film. Ouais. Oui, puisque ça fait un peu production film porno. Ça, mais pas Sève. Du tout. Alors tout en sens la Sève qui monte de toi, non? Mais ça va pas. Ah, mais soyez si chaud. On a un invité. Une fois qu'on a un invité d'honneur qui a accepté d'être invité d'honneur, soyez clair. Elle reviendra plus, ça c'est dommage. Oui, tu vas changer de nom parce que tu vas. Alors t'es pas racheté, t'es pas comment on dit. Tu vas collaborer avec une autre boîte de prod. Exactement. Je suis associée à une nouvelle boîte, enfin une boîte qui existe depuis longtemps qui s'appelle Miyu. Et donc, je vais devenir Miyu Distribution. Il y a une vanne qui va arriver. Ah, est-ce que tu dessines les chats? Est-ce que tu... Non. Pas du tout. Non, d'accord. Non. Donc, c'est moi. Alors, que fais-tu? Moi, j'ai regardé quelques films que tu m'as envoyé, des vidéos. Parce que j'ai travaillé, moi, les enfants. Ah oui, mais moi, elle m'a rien envoyé. Sinon, vous n'avez pas de surprise. Voilà. Que fais-tu exactement? Alors, moi, je fais de la distribution de courts-métrages. En gros, j'essaye de faire en sorte que les personnes qui ne voient jamais du court-métrage, je les vois. Et donc, voilà, je fais ça. Est-ce que vous avez vu des courts-métrages dernièrement? Oui, j'en ai même joué dedans. Oh. T'as vu un peu? Oui, mais... Comme ça, discrètement. Alors, à partir combien de temps c'est un court-métrage? En fait, tu as une règle super chiante du CNC qui dit que au-delà de 60 minutes, tu as un long métrage. En deçà, tu as un court métrage. Exactement. Ah oui. Il faut pas que ça dépasse une heure, en fait. Ah oui, voilà. Donc, c'est ça. C'est normal, c'est logique. Oui, de un quart d'heure à. Tu la cours tout longue, toi. Non, parce que. Ne dis rien. Sur les forums, pas de cinéma. Non, il y a des films, voilà. Surtout au cinéma qui font peut-être 1h10 et ils parlent de court métrage. Ah non, on va passer une heure et plus de court métrage. Voilà. Donc, c'est pas un court métrage. Mais toi, tu es spécialiste de l'animation. Et moi, je suis spécialiste d'animation, ouais. En gros, j'ai fait Gobelin, qui est une école de 2D à Paris, et j'ai commencé à travailler pour cette école-là. Mais je ne fais pas que de l'animation, je fais aussi des films de prise de vue réelle, ce qui est en fait tous les films avec de la viande, des vrais acteurs, en fait, dedans. C'est comme ça qu'on les appelle dans l'anime. Film de boucher. Gobelin, c'est pas une charcuterie, enfin. Hein. C'est de la chair fraîche. Non, mais donc, on a des films avec des effets spéciaux, on a des films qui sont juste contemplatifs, on a plein de films différents, mais on a essentiellement des films d'animation. Est-ce que oui, vous avez des questions? Non. Non, c'est bien. Non, j'écoute moi. Si Henri a des questions, même si vous avez des questions, allez-y. Hein. Ta boîte est sur Arles, c'est ça? Elle est sur Arles, ouais. Je l'ai créée à Paris il y a 3 ans et j'ai déménagé l'année dernière sur Arles. Alors pourquoi Arles? Parce que Paris, il y a trop. Parce que pas Paris. Fou la décentralisation. Ouais, c'était un vrai choix politique. Ça faisait 10 ans que je vivais à Paris, j'ai grandi à Aix et quand je cherchais à m'installer en région. Je regardais vers la Bretagne à l'époque parce que je venais de tourner un film, à l'époque je faisais aussi de la production et je venais de tourner un film en Bretagne et en fait c'était ultra bouché, il n'y avait pas une ville qui me plaisait plus et à ce moment-là j'avais mes potes de Tu nous as pas vu qui est une station de production de films en 3D CGI qui est sur Arles et qui me disait bah, on va occuper des super bureaux, est-ce que tu connais des gens qui seraient intéressés pour louer des bureaux avec nous? Et moi, je connaissais un petit peu Arles. Et je me suis dit, bah, c'est une super occasion. La mairie a l'air d'être super accueillante. Les gars de Tu nous as pas vus sont super sympas. Donc, on avait très envie de s'installer ici. Et quand le je dis on, c'est moi aussi. Toute seule, en fait. Hein. Ah, tu es toute seule. J'ai une tendance à parler à plusieurs. Oui, mais si tu t'entends bien avec toi... ça dépend des choses. D'accord. Alors, pour la venue, pour ta venue, on va faire donc une première partie spéciale animation. Des anecdotes incroyables que moi, je ne savais pas. Puisque cette émission, on apprend des choses normalement. Dieu, c'est vrai, c'est tellement culture. Et on va voir si une professionnelle de l'animation connaît ces anecdotes ou pas. On y va, jingle, et c'est parti. Julien Collard, les grands enfants. Selon une rumeur, quel personnage... Non, alors, entre guillemets, persistante. C'est-à-dire, c'est une rumeur, mais faire gaffe, c'est quand même... Fondée à moitié. Oui, non, mais il y a quelques preuves. Selon une rumeur persistante, quel personnage de dessin animé Maurice Tillier aurait-il inspiré? Attends, j'ai pas compris. Selon une rumeur, selon après, une histoire, voilà. Quel personnage de dessin animé Maurice Tillier aurait-il inspiré? Bien évidemment, il faut que vous trouviez qui Gaston est Maurice Tillier. Non. Moi, j'aurais dit, alors je fais une référence aux années 80 là, sur un dessin animé, Jean-Paul Belmondo dans Cobra, non? What? Je crois qu'il y est pas du tout. Non, alors c'est un dessin animé plus récent, mais le monsieur en question, c'était dans les années 60. Non, mais qui a vu Cobra? Non, personne n'a vu Cobra. Si, c'est dessin animé Cobra. Ah ben, il faut que vous trouviez qui est Maurice Tillier. On en a beaucoup parlé de ça. Pas cette semaine, mais Maurice Tillier, on avait beaucoup parlé à l'époque, justement, par rapport à cette inspiration de ce fameux personnage très connu. C'était un homme politique? Non. Tintin? Un acteur? Travesti? Non. Non, dans les animés? C'est un vrai mec. Il s'est inspiré de... C'était un vrai mec, Maurice Tillier, qui est décédé depuis un moment, qui a inspiré des créateurs pour un dessin animé, mais le dessin animé est assez récent. Ah oui, parce que c'est pas très clair. C'était un sportif, Boxeur. Mais il a pas inspiré un sportif. Boxeur, non. Mais Maurice Tillier était un sportif. Alors c'est un dessin animé récent? Ah oui, c'est assez récent. Français? Il y a eu plusieurs suites. C'est pas français, Shrek. Mais Shrek, oui. C'est moi qui l'ai dit, je précise. Tu l'as dit, Shrek. Julien Collard, les grands enfants. Les créateurs du film Réponse ont mis 9 mois. Un quoi? 9 mois? Les créateurs du film, je crois que cette réponse, tu l'as pas eue. Non? Il regarde pas. Les créateurs du film Réponse ont mis 9 mois à travailler uniquement sur ce détail du film. Les cheveux. C'est facile. Bon. Facile. Non, mais voilà. Mais t'attends même pas la fin de la question. Alors explique, Julie, qui est Réponse. Donc Réponse est dans une tour, si je me souviens bien, genre comme toutes les princesses, enfermées là par leur père. C'est tiré de quel conte? De bonnes questions. Et du coup, Réponse a des cheveux très, très, très. Tu m'écoutes, Henri, ou très, très, très longs? Parle plus fort. Et jouis-moi. Et du coup, elle peut même jeter ses cheveux. Elle aurait pu le faire toute seule d'ailleurs. Jeter ses cheveux par la fenêtre pour sortir de cette tour. Je t'ai spoilé la fin, peut-être. Bon, il ne regardera pas, de toute façon. Je crois que t'es plus mon chef chiffre et des lettres que Réponse. Oui, tu as raison. Non, mais voilà, c'est pas le meilleur de dessin. Non, mais ça va, c'est léger, de toute façon. C'est alors, oui, alors je reviens sur Cobra tout à l'heure. Non, parce que je tiens. Donc, c'est un manga, donc c'est un. Mais on s'en fout. Non, si, vous allez voir. Allez voir sur internet, allez voir. En fait, ils ont le personnage de Cobra, il est inspiré de Jean-Paul Belmondo. Et si vous voyez le personnage Cobra, vous allez voir, c'est tout Jean-Paul Belmondo. Faites-nous une liste. T'as inspiré de Poisson Rouge, non? Parce mais non, mais ça, ça aurait pu être une question. Dory. Ça, c'est Dory. Voilà, c'est pour les auditeurs, tu vois. Mais alors, t'es sûr, hein? Certain. Si on va vérifier, c'est une. C'est vrai. Si quelqu'un peut. Non, pas maintenant. Non, n'a pas internet. Quel réalisateur a fait partie de l'équipe Rocks et Rookies? Alors, Rookies. Roux. Bonne réponse. Comment c'était ah ouais, Tim bah, Burton. Bonne réponse. Burton. Est-ce que tu peux la refaire? Est-ce qu'elle est forte? Réalisateur. Alors, elle va nous dire comment. Ouais, j'aurais dit Dorothée. Roxy Rookie. Alors, c'est alors Henri pour Roxy Rookie, c'est. C'est les boulettes avec. C'est deux chiens. Ils sont des amis pour non, la non, vie. Non, c'est un renard et une souris. Non. C'est non. Non, ça c'est Bernard et Bianca. Je Roxy ne sais Rookie. Plus. C'est un renard. C'est un renard et un chien qui s'aiment. Rox, Rox pour le. Rox pour le renard et Rookie pour le chien. Oui, voilà. Ça s'aime pas, ils ont le même. Mais c'est, oui, c'est tu vois, juste deux meilleurs potes. C'est deux meilleurs potes. C'est pas du tout une. C'est des amis pour la vie, c'est la chanson. Et ils s'aiment. Oui. Non, en fait. Ils consomment. Ah non, non, pote, c'est des potes. Ils peuvent rien faire. Non, je effectivement, Tim Burton a rapidement cessé sa collaboration. Mais est-ce il que a, tu il peux des... du coup refaire le truc du début parce quel que... réalisateur fait partie de l'équipe de Roxy Rookie mais a rapidement jeté sa collaboration. Alors, comment tu sais? Tu es fan de Tim Burton? Je pense que beaucoup de personnes de l'anime sont toujours sur fans de Tim Burton et j'ai oui, dû le lire 15 fois. C'est vrai. Mais c'est. Non, c'est une très bonne info. Ouais, moi j'aime oui. bien. Il est bon, Tim Burton. Hein. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Celle du Cobra est bonne quand même. Il est original. Ouais. C'est quoi, celle du Cobra? Avec tu as une info sur le Cobra? Vas-y, je sais pas. J'avais une info, mais là, vous me l'avez pourri. Paul Rémy. Pourri ma chronique. Paul Rémy est un personnage de BD, mais aussi de dessin animé très connu. Mais sous quel nom? Paul Paul si Rémy. Tu dis Cobra et Belmondo, je te. J'aurais dit Rémy sans famille. Non. C'est Rémy ou Rémy? Paul Rémy est un personnage de BD, mais aussi de dessin animé très connu. Mais sous quel nom? Gaston? Non, arrêtez avec Gaston Lagaffe. Mais sous oh, Gaston. Ouais. Oh, du on essaye à chaque fois. On essaye, on tente, on est là. Tout pour ça parce qu'on en a parlé il y a une semaine ou deux c'est par rapport ça, au film. C'est du jamais. Coup, vous essayez de refourguer. C'est jamais. Paul Rémy. Paul Rémy. Est un personnage de BD, mais aussi de dessin animé. Le Grand Schtroumpf? Non, Paul Rémy. Comment ça s'appelle Merci, Cyril. Reste avec Belmondo. Alors, c'est un dessin animé français, réellement. Ah, c'est français. C'est français. C'est français, c'est franco. C'est pas français, en fait. C'est franco-belge. Voilà, comme la plupart des. Spirou? Non. Lucky Luke? Non. Non. Tintin? Bonne réponse. Ouais, c'est Tintin. Ça passe. Julien Collard, les grands enfants. Le compositeur culte Michel Legrand a composé la bande originale de Cobra, mais qui. Ah, inspiré. Jean-Paul Belmondo. Je déconne. Et là, regarde, dis-toi. Je déconne. Je connais, je la réponse. C'est une blague. Le compositeur. Non. Michel Legrand a composé la bande originale d'une série dessin animé. Mais quel est le titre de cette série qui revient là, bientôt, sur France 4 La Cité d'Or. Ah, les Minicums. Non, pas la Cité d'Or. Non, pas les Minicums. Pas la Cité d'Or. C'est vrai que ça revient. C'est vrai. Oh, t'as vu, ça a l'air nul, hein. Oh, attends, oh, ah, je vais regarder en tout cas. Les Razmoquettes, non, alors, c'était trop bien. Alors, est-ce que c'est un dessin animé français? C'était trop bien. Est-ce que c'est moi, j'ai acheté le jeu vidéo Razmoquettes. Alors, dans le jeu vidéo, t'étais le mec là en couche là, bleu, là, le héros, je sais plus comment il s'appelle. Toupie. Torpille. Non. Non. Casse-bonbon. Casse-bonbon. Casse-bonbon. T'étais dans la cuisine et tout. Quand tu sais pas, tu veux. Tobis, son frère. Tu changes de sujet là. Ouais. On en était où? Le compositeur culte Michel Legrand a composé la bande originale d'une série dessin animé, mais quel est le titre de cette Est-ce que c'est un dessin animé français? Oh oui. Des années 90? Oh, un peu plus vieux, mais ça en fait, ça s'est jamais arrêté, et puis dans les années 2000, ça s'est arrêté, et là, ils refont une nouvelle version. Tom Tom et Nana. C'est pas les Mondes Engloutis? Non. Ah, c'est plus vieux? Oui. C'est Amandine là. Amandine, c'était qui Amandine? C'était un dessin animé. Un dessin animé français aussi des années 90, un peu moins. Quelqu'un connaît? Non. Les diamants de Bocassa, c'est pas ça? Ah non, je comprends avec Giscard. Non, non. Tu sais, c'est pas parce qu'on parle de films d'années 70, tu vas faire des blagues d'années 70. Un dessin animé qui passait. Ouais. Julien, il passait sur Club Dorothée, il passait sur quoi? Non, je crois que c'était la 2, après c'était la 5, mais il n'y avait plus la 5, là c'est la 4. Est-ce que c'est le truc avec le manège? Non, Pollux. C'est trop bien, Pollux. Non, non, c'est voilà. Pas dessin animé, c'est une animation. C'était un truc, un dessin animé, comme on dit, intelligent. Tout le monde se plante entre dessin animé. Informatique. Il était une fois la vie. Bonne. Oh, mais c'est déjà réadapté, hein. C'est déjà. Ils ont lancé. Remasterisé. Non, mais là, ils refont de nouveaux épisodes. D'accord. Bien joué, Julie. Je voyais le barbu, je voyais le barbu. C'était trop bien, ça. Ah, j'adorais. Tu voyais les globules parler. T'as pas besoin de donner de réponse. J'attendais que ça vienne dans mon sang. Au sang, à l'estomac, c'est bien. Ouais, c'était vachement bien. Puis après, il y avait aussi. Il y avait la toujours version... le méchant qui avait la tête de Nicolas Sarkozy. Exact. Moi, j'adore. Avec ses oreilles, son nez. Il y avait la version aussi histoire aussi. Et les explorateurs. Oui, avec les guerres et tout. Ouais. Bah vous êtes fort. Hein. Un c'est bien, animé, c'est une fois la vie. Ah ouais. C'est très bien, je conseille ça. Henri, il était, ça tu connais, c'est une fois la vie. Il y avait une chanson très connue, c'était quoi? Nous la voici la vie, la vie. Tu connais pas? La belle vie qui coule dans nos veines. Ça, ça te plairait, ça. C'est tu, vois dans les, tu vas dans les corps. J'écoutais pas en biologie, mais ça par contre j'écoutais. Bah, oui. Bah tu sais que moi j'ai appris beaucoup de choses, bah, et oui, je suis médecin coup. Maintenant. Le mec avec qui il est médecin. Tu sais, j'ai vu tous les films, je suis médecin. Moi, je suis assez fâche. J'ai mon diplôme, il était une fois la vie. Jingle. Julien Collard, les grands enfants. Alyssa Milano. Ah, elle est bonne. Samantha Michelli. Et Tom Cruise ont inspiré les visages de deux héros des dessins animés. Différents, attention, pas ensemble. Mais quels sont ces héros? Des super-héros, c'est... Totally Spice. Non, pas ensemble, pas dans le même film, Totally Spice. Je vois bien Alyssa. C'est deux dessins animés différents, attention. Et Tom Cruise? Ouais, Tom Cruise, il a... Michel Vaillant et Est-ce que Barbie. C'est des dessins animés non. récents? Non. Oui. Non non. Quel genre de dessin animé? Elle est récente. Oh, elle a démarré petite, elle était connue petite et tout. Elle a fait. Et donc, est-ce qu'elle a inspiré un personnage enfant Madame est servie. Madame est servie. Et Charmed. Ado. Et quelques films. En fait, on ne sait pas. Parce que on sait pas. Ça va, vous aussi, vous appelez au pire. Qu'est-ce que vous dites? Rien. On parle d'Alyssa Milano, ça fait partie du sujet. Excuse-nous, on est dans le thème. Elle a joué dans quoi, d'ailleurs, Alyssa Milano? On vient de le dire. Écoute, Charmed. Oui, la série. Madame est servie. Madame est servie. Et des films de. Avec Tony Montana. Non, Tony Michelli. Là, on a perdu Henri. Là. Henri dit, putain, quand est-ce qu'il passe à la deuxième partie de l'émission où on parle de Giscard? C'est pas le même Tony. Tony Montana qui fait le ménage. Alyssa Milano. Alors, c'est deux, sinon, la question... c'est deux du même groupe. Hein. Enfin, du c'est même pas, groupe de quoi? De la même production. Metallica même, des mêmes producteurs, mais pas du même dessin animé. Mais on comprend rien à ce que tu dis. Bon, trouvez, on va y aller par étapes. Quel genre de dessin animé déjà? Non, genre, allez, mets-moi non, sur la voie. Non, parce que c'est pas le même dessin animé les deux. Oui, mais quel genre? Est-ce science-fiction? Bon, allez, c'est deux Disney. Ah, voilà. Ah, on y est, on y est. Enfin, on y est. Alyssa Milano. Aladdin pour... Alyssa Milano. Ah, Aladdin, mais oui. Tom Cruise. Eh oui, Aladdin, c'est Aladdin, Tom Cruise. Aladdin au visage de Tom Cruise. Eh oui, bon, si, si, moi, si, j'ai si. Vu les deux. Si, si. Le mec, il ressemble plus à la lampe qu'à Tom Cruise. Il y a un artiste, il y a un artiste qui a reproduit en vrai... C'est le visage je te parle à toi parce que tu, tu fais... Tu... Non, sérieux, je parle à Luce parce qu'elle, au moins, elle m'écoute. Oh là là. Il y a un artiste qui a reproduit tous les visages... Comment t'y es ? Ben ouais. Mais je t'écoute aussi. Qui a reproduit tous les visages par ordinateur, hein, en 3D des personnages de Disney en réel. Qu'est-ce que ça pourrait donner en réel, en vrai ? Un vrai personnage. Super sympa. Je conseille d'aller voir, si ça intéresse quelqu'un. Il en sort bien. Et donc, un exemple ? Je sais pas, ben j'ai vu Aladdin. Tiens, il y avait Aladdin. Et donc, il ressemblait à Tom Cruise. Non. Non. Ah ben, si c'est pour dire ça, tu t'es alors. Mais non, mais c'est important aussi les infos. Et mec. Donc, Tom Cruise, Aladdin et Milano. Ah, alors c'est donc une princesse ou un truc comme ouais. ça. Pocahontas. Princesse, pas princesse directement. La princesse et la grenouille. Non, non, non. Elle est black. Hercule. Et alors quel acteur aurait inspiré la grenouille? Blanche-Neige. Si tu dis moi, je te. Blanche-Neige, non, elle n'a pas inspiré Blanche-Neige. Julien Collin. Si tu dis moi, bah Julien Collin. J'ai une tête de grenouille. Bah, est-ce que nous demandes... c'est un dessin animé ou un film d'animation? Dessin animé, c'est pareil. Est-ce qu'on peut faire un point d'étape important à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression que je peux parler en face de beaucoup de gens. Un dessin animé, c'est un film d'animation. Ah. Mais un film d'animation n'est pas forcément un dessin ah, animé. Ah, voilà. Voilà. Tu nous as perdu là. Ben oui. Alors, un dessin animé est un film d'animation. Un film d'animation alors, un joueur de foot, c'est un joueur de foot, mais c'est pas un joueur de rugby. C'est un sportif, voilà. Oui. C'est un... Mais, ça, mais un sportif n'est pas forcément un joueur, joueur de foot. Faut d'accord. tout vous expliquer, c'est quand même dingue. Merci. Tu dis avec des mots faciles et tout. Puis tu, franchement, tu as tout résumé. Bah oui. Ok, bah c'est ma journée. Alors, sinon, sinon, Milano. Donne-nous la réponse. Hein. Henri, Milano. Blanche-Neige. Non, mais non. Avec ta Blanche-Neige. Bah, Cendrillon. Elle est noire, tu m'as dit. Non, non, non. Alice, Mulan, Alice non. Mulan non, Mulan, non. Ouais, Mulan. Parce qu'elle doit être brune, alors du coup... Non, elle alors brune, pour le coup, son personnage n'est pas... Une... Oh bah donne-nous la réponse, on va pas chercher 20 oui, ans. Parce elle est rouge, elle a les cheveux rouges, son la personnage. Reine des Neiges. Non, ah, je sais qui c'est. Ah, Ariel. C'est le truc des Vikings. Ariel. Ah, Ariel. Ah ouais, bravo. Alyssa Milano a inspiré la petite sirène. Bravo, bravo. Alors, je suis pas... Non, parce qu'Alyssa Milano, elle a des big boobs. Mais c'est trop tard, c'est vrai. Ariel, elle en a pas. Oui, elle a pas de jambes aussi, c'est comme ça. Quand Ariel a été créée, c'était quand elle était encore petite, donc je pense que... Ah, voilà. J'aime bien Ariel, là, ils vont le faire en film, alors, en film avec de vrais acteurs. Ils ont trouvé une vraie sirène? Ouais, pour trouver un crabe qui parle. C'est ça qui va être compliqué. Mais... Un goéland aussi. Et le poisson, comment il s'appelait là, le poisson? Pou, non pas Pou. Polochon. Polochon, j'adore. Hein. Moi je veux faire Polochon aussi. Tu peux en plus. Le plus dur c'est pour Zeus. Enfin pas Zeus, l'autre. Son père. C'était Zeus, non? Apollon. Non, Poséidon. Poséidon, Zeus. On n'était pas loin, c'est la non, même époque. Non, rien à voir. Ils étaient ensemble à un moment. Deux dernières questions avant de passer, pour qu'Henri puisse nous rejoindre. Je sais pas. Pourquoi le livre de la jungle... Poséidon, je nageais un peu. Allez, tout à l'heure. Pourquoi le livre de la jungle est-il un dessin animé à part pour Walt Disney? Quand je dis Walt Disney, je parle du monsieur et pas la marque. Est-ce que c'est le premier film qu'il n'a pas réalisé? Non. Non, mais non. Dommage, c'était à ça qu'il a réalisé. Il n'a pas fait les caractères design. Non, pas des mots compliqués. C'est pas lui qui a écrit l'histoire. Non. Il n'a pas fait les rushs. Le mec, dans le cinéma, là, enfin, rush. Ouais, faut que je capte. Le seul mot que je connais, c'est rush. C'est quoi les rushs, sérieux? Bah, c'est avant de prendre le miel. Des petits dessins. D'accord. Des scènes. Des croquis. Des croquis, quoi. Des petits dessins. Non, c'est pas ça du tout, ça, c'est le storyboard. Les rushs, c'est quand t'as tourné plein de films et tu regardes plein de scènes et que tu regardes. Bah, tu vois, tu sais mieux que moi. Donc, il te demande, t'as vu, il te teste et tout. C'est vraiment un filou, hein. Ouais. Je fais un peu de cinéma. Pourquoi le livre de la jungle est-il un dessin animé à part pour moi sur Walt Disney? Il était mort. Il est mort, ah oui, non. Après non. Bah non, alors il était mort, ça veut rien dire. Il est sorti post-mortem, le film. Plus précisément. Il est mort pendant? Plus non, plus précis, pas pendant. Il est mort avant. Alors, on l'a fait avant. On l'a fait après. Pendant, il est pas mort pendant. Il s'est perdu dans la jungle. Un truc plus après, plus... Au milieu, mais entre au milieu et avant. Non. C'est pas lui qui... Non. Au milieu après? Non. Le mec, il fait le dessin animé. Ouais. Et il meurt. Il meurt. Et pam. Donc. Et il le voit pas sorti. C'est pas lui qui a fini le dessin animé. On va donner une bonne réponse à tout le monde. D'accord. Ah. Bon, dis. Bonne réponse. Même à moi. Oui, même à toi. C'est le premier film. Ah non, merde, ça j'allais dire là. J'allais dire la réponse suivante. J'ai le début de la phrase. C'est le dernier film qu'il a supervisé avant sa mort. Et le film est sorti. Mais c'est logique, ça s'appelle La Palisse. Évidemment, s'il est mort, c'est le dernier. Mais oui, mais c'est pourri cette question. Mais non, tu le savais? Oui. Je savais. C'était en quelle année? En 78, ouais, exact. Allez, dernière question. En 2009. C'est le premier film. Bonne réponse, Henri. Du coup, oui, parce que. Quelle rapidité, j'avais plus de. Dans la question, il y a aussi la réponse. Henri, attention, c'est pour toi. En 2009, le film Là-haut est rentré dans l'histoire du Festival de Cannes. Mais pourquoi? Parce que c'est le premier film d'animation à être montré au festival. À être rentré. Plus que montré. En compétition. Non, en sélection. Plus que ça. L'ouverture. Premier film d'animation à faire l'ouverture du Festival de Cannes. Julien Collat, les grands enfants. Comme d'habitude, on démarre par des citations. Qui a dit « Ne cherchez jamais la bagarre avec une personne laide, elle n'a rien à perdre. » C'est marrant, lui. Des proches. Galienne. Non, c'est pas français, c'est mort. Donc quelque chose d'actualité. Dans quel sens? Hitchcock. Non, il est mort. Il est mort il y a pas longtemps. Il est mort il y a 2-3 ans. Ah, c'est con, parce que j'aurais dit que ça venait de toi, moi. Ah ouais. C'est rigolo, toi. Ne cherchez jamais la bagarre avec une personne laide, elle n'a rien à perdre. Orson Welles. Non, c'est plus récent. Beaucoup plus récent. Est-ce que c'est quelqu'un de laid? Et c'est ce que je me demandais, est-ce qu'il est laid de lui-même? Il n'était pas connu pour être beau gosse, mais il n'est pas connu non plus pour être... Il était lambda. Lambda. Oh. C'est une couleur? Ne cherchez jamais la bagarre avec une personne laide, elle n'a rien à perdre. Allez, un petit indice. Il a joué dans des films. Oh, wow, super! Et avec ça, on est bien là. Il est mort il y a 2-3 ans. Ouais, il s'est suicidé le pauvre. Ah! Il s'est pendu. Non, il est pas un acteur américain. David Carradine, non? Il était plus anglais, je crois, qu'américain. Je sais plus. Comment? Non, il est pas plus anglais qu'américain. Ah, le mec qui a joué. Oui, ouais. Ça te plaît? C'est David Niven. D'ailleurs, il a joué dans un Disney, en vrai. Il a joué dans le mec qui a fait Junior. Michael Jordan. Non. Il est pas mort. Il est pas Michael mort. Jordan. Robert. Oh, Michael Jordan, le pas pauvre. Robert, mais ça commence par un R. Roger. Cherchez, Ronald Reagan. C'est très connu. Mais oui. Ah, il a la réponse. Il a joué Robert Peter Redford. Pan au cinéma. Oui, Hook. Peter... Le mec. Robin Williams. Bonne réponse. De Cyril. J'arrivais. Qui a dit le talent. Quand t'as. Le talent, quand t'es doué, t'es doué. Le talent, c'est une question d'amour. Apparemment, vous vous aimez pas. Alors, le talent, c'est une question le d'amour. Le talent, c'est tu le talent. Le talent. C'est mort c'est... et c'est une femme. J'ai pas entendu. Dalida. Le talent, c'est pas Dalida. C'est une question d'amour. Barbara. Bah Barbara. C'est actrice. Ouais. Jeanne Moreau. C'est non, ce que je cherchais. C'est pas. Elle était. Elle est devenue Lynn française, Renaud. Mais elle n'était pas française elle est pas, au départ. Elle n'est pas morte. Jeanne Seberg. Non, pas Jeanne Seberg. Jane Birkin. Tu vas trop loin pour... Alors le talent, répète. Le talent, c'est une question d'amour. Jeanne Birkin n'est pas décédée. Romy Schneider. Romy Schneider, bonne réponse. Bravo. Qui a dit, quand j'ai été kidnappé, mes parents ont tout de suite agi, ils ont loué ma chambre. Le petit Grégory. Quoi? On va avoir des problèmes. Bah, tu couperas. Pourquoi? Il est mort, il pourra rien faire. Allez, j'ai dit une vanne, mais j'arrêterai là. Quand j'ai... Alors, non, non, c'est pas mort. Drew Barrymore. Non. Qui a été séquestré, capturé, c'est quoi? Non, c'est pas féminin. Alors, quand j'ai été kidnappé, mes parents ont tout de suite agi. Ils ont loué ma chambre. C'est ça lui va bien, cette phrase. Alors, c'est une vanne, hein, ce qu'on oui. appelle les blagues juives. Hein, il est connu pour ça. Popek. Dieudonné. Popek, non, c'est pas français. C'est pas français. Et c'est pas mort. Oh, Popek, on a reculé, pas mort. Un juif. Non, c'est pas Dieudonné. Dustin Hoffman. Non. Réalisateur, auteur, acteur, il fait aussi du stand-up. Il joue aussi de la clarinette. Jim Carrey. Ah, c'est Woody Allen. Woody voilà. Allen, bonne réponse. Henri, t'étais à ça. Oui, je savais. Et enfin, qui a dit, ça c'est très facile, Dieu a dit, je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres de l'appétit. Coluche. Coluche, bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est bon. Julien Collard, les grands enfants. On y va. Si vous croisez des Toulousains, le nez en l'air, surexcité, pas d'inquiétude. Ils cherchent partout dans la ville rose un cadeau lancé par une start-up. 10 cartes à trouver, mais que proposent ces cartes? Ah, là, vous faites moins les mal. Des places de rugby? Ah non, c'est pas con, hein. Toulouse, rugby. Ouais, des codes Wi-Fi. Des codes Netflix. Non. De l'argent? Tu l'as vu, hein? J'ai de l'argent. Entendu parler, ouais. Bonne réponse. Des bons de réduction. De l'argent. Bravo. Tout simplement. Et c'est fort ce qu'ils font. Il va y avoir la guerre à Toulouse. C'est toute la. Ça va durer un mois, enfin, si les gens ne trouvent pas. 1000 euros par carte. Waouh. C'est qui fait ça? Alors, c'est une start-up. Je donc peux je refaire dis ma pas vie les avec. Noms. D'accord, voilà. Mais non, c'est bien. Sinon, ça va tu être. Tu trouves la les 10 foire, oui. Après, tu vas essayer. On va essayer de te racheter. Et voilà. Et 1000 euros. Remarque, j'aurais pu citer le nom parce que je ne sais pas où sont cachées les cartes. Mais 1000 euros par carte. Pas l'argent, il n'y a pas l'argent directement, parce qu'il y a 2-3 ans, il y a des gens qui avaient fait le même jeu de piste avec des vrais billets, c'était parti, en bref. Là, c'est des cartes, et puis ensuite, vous le ramenez à la start-up, et ils vous donnent 1000 euros par carte. Voilà. Ça vous... Non ? On s'en fout. D'accord, bon, pas ça. C'est les cartes bleues, non ? Bon, on s'en fout, là. Le petit village de Sarlat, en Dordogne. Oui, foie gras. Bonne réponse. Oui, foie gras. Ah oui, ça sent Noël, c'est ça. Foie gras. Dordogne, c'est le. Et Dordogne, oui. C'est et le sinon, foie gras. Tu finis ta question ou bah attends, je parle à Henri. On discute canard. Vas-y. Alors le foie gras. Alors tu l'aimes comment alors, Je l'aime nature. Nature. Hein. Pas truffé ni rien. Nature. Ah moi je l'aime truffé. Et frais un peu. J'aime truffé moi, encore vivant. Tu bouffes les canards. Pour pâté de campagne. Ce qu'il y a de rigolo avec les canards, c'est que tu leur coupes la tête. Ils courent encore. Ils continuent. Il n'y a pas que les canards, si on fait pareil pour toi, c'est pareil. Tu vas courir et. Ça marche aussi avec les connards. Ça marche avec. Je le dis. Et ouais, regarde, dans les visiteurs, ils tranchent la tête du chevalier. Le chevalier, il et oui. encore. Oui, parce qu'il est sur un cheval, c'est normal. Ah, pas faux. Eh oui, et il était à cheval. Et bah alors, c'est normal qu'il bouge. Le cheval, non, il est pas mort. Il est par... non, ah, je sais plus. Mais non, il rentre pas sa tête dans l'armure à un moment donné. Ah, oui, ça c'est pour les effets spéciaux. Ah, et le deuxième. Et après, il le... Je peux continuer avec mon foie gras. Vas-y, ça n'a rien à voir avec le foie gras. Oui, bien essayé. Le petit village de Sarlat en Dordogne. En Dordogne. Où d'ailleurs, on nous écoute sur Radio 4. Alors, on salue Radio 4. Salut Radio 4. À l'occasion du village de Noël, a lancé une invitation en espérant que cette personnalité accepte. Mais quelle personnalité est attendue à Sarlat, au village de Noël? Ah ben le Père Noël. Et s'il répond à l'invitation, ça serait cool. Ben oui, ça serait bien qu'il vienne. Ouais, il a beaucoup de boulot. Hein, mais Jean-Paul Belmondo. C'est un français. Arrêtez avec Jean-Paul Belmondo. C'est un français. Arrête. Non, ce n'est pas français. J'adore moi Jean-Paul Belmondo. Trump. Ouais, moi aussi, mais c'est marrant. Donald Trump. Le chien de Jean-Paul Belmondo. Non. C'est pas Donald Trump. Non. Ben donc non, c'est pas français. C'est pas français. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Bonne réponse. Oh là. Sérieux? Ouais. Selon les pages blanches. Mais qui c'est qui lit encore les pages blanches? Non mais moi j'en ai marre. Ben ma mère, moi j'adore. Alors moi ce que je fais, j'ouvre au hasard l'annuaire. Je mets un doigt sur l'annuaire. Je me dis tiens, j'aurais pu m'appeler comme ça. J'ai une vie de merde. Voilà. Tiens, j'aurais pu m'appeler Maurice Boutboul. Tiens, j'aurais pu vivre 5 rues des Saint-Pères. Ah, t'aurais pu t'appeler Julien Cola, t'imagines la... Pardon. Non, c'était nul. Ou Julien Coca, tu sais. Oh. Toi, monsieur connard. Alors, selon les pages blanches, qui réside au 07 rue d'Aix à Paris? Eh ben, écoute, on sent... Ah, non. On s'en bat les Emmanuel alors, Macron, c'est... Non, c'est pas politique. J'essaye à chaque fois, dès qu'il dit Paris, il dit Macron, mais ça... Moi, j'écoute même. Un artiste. Oui, dès qu'il dit Paris, de toute façon, j'écoute pas. Non, un artiste, non. On est là, on est dans le jeu de mots. C'est quoi là. L'adresse 07 rue d'Aix, à Paris. James Bond. 07. James Bond. Bonne voilà. Réponse. Il y a un monsieur James Bond qui habite au 07 rue d'Aix, à Paris. T'imagines le mec qui s'appelle... Il n'y a pas le rapport avec Aix, mais... Oui. 07. Ah bah Rudex, hein. Non, c'est surtout le 07. C'est le 07. Rudex. Parce que j'allais dire le 0, on ne le dit pas. J'aurais pu dire l'Ardèche. Rivain. Oui, sauf que c'est pas une personne. Pourquoi? J'ai pas compris. Là, j'ai rien compris. Ardèche, 07. Ah non, mais là, c'était pas... Culture. Oh, on est dans... C'était le nom, là. 07, c'est l'Ardèche. Évidemment. Qui connaît, alors non, attends, alors il y a peut-être des gens, plus personne regarde l'annuaire, mais qui connaît encore les comment on appelle ça, les départements. Les départements par cœur. Bah oui, moi j'en connais quelques-uns. Bah oui. Et le chef lieu de l'Ardèche, moi tu aussi. Connais? Oh, Melon, je m'en fous. Priva. Ah, on s'en fout. Avec un S. Ouais. Ouais. Comment on appelle les habitants de Priva? Les privés. Bon. Nul ne s'en prive. Julie, tu es d'où, toi? Tu es de quel département? Moi, je suis de Erag. Ah, j'ai grandi dans le 13. Tu vois, donc tout le monde s'en fout des départements. C'est tout. Ah non, on s'en fout pas. Non. Zéro. Mais et toi, Cyril, tu es français? Oui, je suis français. Et ta gueule de pied noir. C'est ça? Non, mais t'es pas né. D'origine. T'es pas né dans un truc chelou? C'est pas toi qui est né. C'est pas toi qui étais dans un truc chelou? C'était tu me poses des questions. Je suis né à Martigues, mais je suis de Cavaillon, moi. Ah, oui, voilà. Il est tombé dans la roulotte. Le pays des molos. C'est pas les... C'est pas Tarascon. C'est pas les... Comment on appelle ça? Les bonbons, là. Le nougat? Non. Les calissons? Oui. Non, c'est d'Aix-en-Provence. Ah, d'accord, je me disais. Renseigne-toi. Ça ressemble à Cavaillon. Les melons, quand tu arrives à Cavaillon, tu as un gros melon. Ah bon, mais pourquoi, alors? Parce que c'est... Non, c'est le pays des melons. Voilà. Julien Cola, les grands enfants. Pourquoi peut-on dire que Dunstick est moins stressé et va pouvoir vivre en paix? C'est un poisson. C'est un poisson. C'est pas un poisson. Parce qu'il est est-ce que c'est une pieuvre, un crabe, une langouste, une crevette? C'est des pogs, un là, poulpe. Maintenant. Non. Quoi? Un cabillaud. Une licorne. Une licorne. Une licorne. Non. Alors, pourquoi elle est moins stressée et vivre en paix? C'est un orque qui est dans le... C'est Willy. Qui sont, tu sais, dans les... Ah, dans les eaux aquatiques. Dans l'aquarium de Marineland et tout ça. Il sort de Marineland. Voilà. Alors, stressé, donc c'est un animal qui stresse assez vite, du coup. Non, c'est mais là, le polaire. Pauvre, il était mal parti. C'est un singe. Il a été sauvé, comment on dit, quand les taureaux sont sauvés? Gracié. Ouais. Il a été... un dauphin. Ah, c'est un taureau. Un taureau, non? Une dinde, c'est une dinde. Et donc, pourquoi? La dinde des États-Unis. C'est Trump qui a gracié une dinde. Mais oui. C'est la dinde graciée par Donald Trump pour Thanksgiving. Il n'y avait pas une actu... À la chinoise, tu l'as dit. Et que veut dire Thanksgiving? Le jour du... remerciement. Julien Collard, les grands enfants. Dans quel film, dans quel dessin animé avez-vous entendu « Ça suffit, j'en ai assez de ta constipation émotionnelle ». Dans un dessin animé? Eh oui, ça suffit. Un truc un peu un télo Non, pas du tout. La constipation, ça a rapport avec le cas. Merlin l'Enchanteur? Pourquoi? C'est un dessin animé, c'est pas une série. C'est un dessin animé. Ça suffit. Français? Français, c'est en français, mais c'est pas Shrek. C'est français? Non, c'était en français, mais c'est pas la production et pas français. Ça suffit. Français. Là, c'est, je vous le dis, c'est que des Disney. Hein. Voilà. Ah, c'est Disney. Ça suffit, j'en ai assez de ta constipation émotionnelle. Aladdin. Pas Aladdin. Bonne mine contre son chef, là, je sais plus. Non, sur Astérix, Blanche-Neige, c'est pas Disney. Là, c'est... Oh, bah... Blanche-Neige, non, arrête avec Blanche-Neige. Il n'y a pas de... Non. Tu veux la caser. Rapport avec Blanche-Neige. La constipation. Ça, non, c'était les 7 nains. Toy Story. Dragée Fuca. Ah, Toy Story, ouais. Non, ouais, j'aurais dit non, Toy Story. Non. Ouais. Constipation. Là-haut. Là-haut, non. C'est récent Non. C'est moyen. C'est moyen, c'est-à-dire moyen. Par rapport à ton âge. Lyon. Récent. Lyon. Lyon. Le roi Lyon. Lyon. Oui, je suis Lyon. Roi. Non, je suis Lyon. Constipation. Non, c'est pas le roi Lyon. Ta constipation émotionnelle. Ça suffit, j'en ai assez. Hercule. Bah, le père de... Comment est-ce... La rousse. Quasimodo. Pocahontas. Quasimodo, pas Pocahontas. Mulan. Non. C'est effectivement une adaptation, comme tous les Disney d'ailleurs, de quelque chose de très connu, qui a été aussi en film. Pinocchio. Non, pas Pinocchio, ça suffit. Ah non, c'est pas ça. C'est pas un film. Pinocchio, il a rarement la constipation. Hein. Ça suffit, j'en ai assez de ta constipation émotionnelle. Constipation émotionnelle. Est-ce que c'est dit à une princesse? Non, il y a des animaux et il y a un mec qui se prend pour les animaux. Il y a un mec qui se prend pour les animaux. Tarzan. Ah. Bonne réponse, monsieur. C'était l'indice, bravo. C'était... Les applaudissements, c'est wow. C'était Tortor dans Tarzan. Tortor? C'est qui Tortor? Alors, Tortor, c'est le petit éléphant. Non? Ah, je sais pas. Ah oui. Qui a dit, fabuleuse réception, je n'avais pas vu autant d'amour depuis que Narcisse s'était découvert lui-même. La Belle et la Bête? Non, mais vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Cendrillon? Blanche-Neige? Quelqu'un l'a dit. Cusco? Non. Cusco. Madagascar? Non. Pinocchio? Le Roi Lion? Ça peut vous aider, là. Le nom de Narcisse, ça peut vous aider. Ouais, fabuleuse réception, je n'ai pas eu autant d'amour depuis que Narcisse. Narcisse, c'est... Oui, regardez beaucoup. C'est les Grecs. Hercule. Hercule, bah... Exact. C'est Hermès qui dit ça. Tu sens que les synapses, c'est... Dans Hercule. Ça aussi, vous l'avez dit, ça va être facile. Quand le monde te persécute... Tu te dois de persécuter le livre le de la jungle. Non. Le roi lion. Le roi lion, bah, c'est Timon dans le roi lion. C'est Timon. Et enfin, c'est vraiment réplique de méchant. Sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins 11. Ah oui. Ça me dit quelque chose. Carrément. Vous l'avez dit Toy aussi. Story. Non. Un sur Disney. Oui. Bah, est-ce que les Disney? C'est une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins 11. Ah, c'est Toy Story. Non. Non. Disney, ah, Pixar, c'est Disney. C'est sur une échelle de 1 à 10, tu veux au moins 11. Ça, c'est un truc de buddy. Non, c'est des potes qui se disent ça pour se. Voilà, il le dit effectivement. Alors, ou alors il se le dit à lui-même. Non, je crois pas. Mais c'est une tour, quand même. Pas Shrek. Non, c'est plus ancien. Vous c'est l'avez dit. Ancien. Shrek, c'est plus ancien. Puis on en a parlé dans l'émission. Sur une échelle de... C'est un oiseau qui dit ça. Un oiseau? Ouais, mais je vous dis pas la marque de l'oiseau, sinon vous allez dire... La marque. Ouais, enfin, la race, quoi. Donc une échelle de 1 à 10? Tu veux au moins 11, c'est un perroquet qui dit ça. C'est un perroquet. Ah, Madagascar. Aladdin. Oh, ouais. C'est Iago qui dit ça, mais je sais pas. Oui, je crois qu'il se dit ça quand il est habillé en flamenco... Pas en flamenco. En flamenco. En flamenco. En flamenco rose. Et il se dit ça dans une... Ouais, je crois qu'il se dit ça lui-même. Ah, pour lui-même, d'accord. Henri. Ou alors à Jaffa. Une blague pour terminer. Oui. Moi j'étais un oiseau, j'étais sur les faucons, il y en a tellement. Il est vrai aussi, il y en a beaucoup. Allez, Alada, Yago. Merci Cyril. Bah de rien. Merci Julie. Donc rien, je regarderai hein, Belmondo, Cobra. Ah oui, je suis pas oui, certain. Faut... Si, certain. Non, mais c'est sûr et certain. Le truc, c'est sûr et certain. Merci Henri. Putain. Merci Luce. Merci Luce. Tu reviens quand tu veux nous parler de dessins animés ou pas, ou de films, autre. Ou de Yago ou d'Alada. on se retrouve plus tard. Bientôt. Semaine prochaine. À la semaine. Salut. Prochaine. Salut tout le monde. Au revoir. Il te recouvre.